Chapitre 8e. La famille Langlois avait quitté Chartres depuis 8 jours, et l'on n'en parlait déjà presque plus. André promenait dans la ville et les environs un incommensurable ennui, qu'il attribuait à l'approche du printemps, orageux et fantasque cette année-là plus encore que de coutume. Il y avait 2 ans alors qu'après avoir appris que Rose vivait, il était rentré heureux, plein de vagues espérances. Tout était changé. Et cependant, dans sa mélancolie, il sentait au fond de son âme un vague frémissement, comme on sent au fond d'un nid les oisillons nouveau-nés qui remuent et tressaillent, prêts à essayer leurs ailes. Juste André s'était promis de vivre et de mourir dans la solitude, mais on ne peut vivre seul, et ce serment téméraire était de ceux qu'il est impossible de tenir. Sans se rendre compte des motifs qui le poussaient, il se mit en devoir de réclamer ce qui lui était dû, ce qu'il avait longtemps négligé, et un beau matin, ayant dans sa poche la lettre qui lui signifiait sa nomination à la place qui lui avait été promise à Paris et pour laquelle il avait tant travaillé, il se trouva soudain, la main sur le cordon de la sonnette, dans une des maisons de l'île Saint-Louis. La petite bonne vint ouvrir, poussa un cri de joie et se précipita dans l'intérieur de l'appartement en criant « Madame, mademoiselle, c'est Monsieur André !» Le jeune homme s'aperçut alors que l'heure était matinale pour une visite parisienne. 10 heures sonnaient à Notre-Dame. Mais les habitudes de la province étaient conservées dans cette colonie chartraine. Marguerite vint au-devant de lui, habillée pour le reste du jour, et l'introduisit dans un grand salon ovale haut de plafond avec des panneaux de peinture encadrés de vieilles dorures sur les murs enduits d'un stuc pareil au marbre. « Ma sœur s'occupe de bébé, » dit la jeune fille. « Veuillez l'excuser un instant, monsieur, elle va venir. » Mon beau-frère est à son hôpital. » Elle parlait d'une voix grave, un peu voilée, où se devinait une légère émotion, qu'elle était changée. Elle n'avait plus rien de l'enfant. Son jeune visage, toujours entouré d'une lumineuse auréole de cheveux blonds, semblait presque austère. Elle souriait encore, mais ce sourire résigné apparaissait un instant sur les coins de sa bouche et se repliait pour ainsi dire sur lui-même, aussitôt qu'il avait souhaité la bienvenue aux paroles du visiteur. Elle avait grandi, et s'était encore amincie. Sa robe noire, presque sans plis, modelait son jeune corps élégant avec la rigidité d'un vêtement monastique. « Vous vous trouvez bien à Paris ?» demanda André, troublé de ce changement. « Oui, » répondit la jeune fille. « Ma sœur et bébé s'en accommodent à merveille. Pour mon beau-frère, il n'a jamais été si heureux. « Mais vous, » insista l'ingénieur, « moi, je suis bien partout, » dit-elle avec un sourire, que démentit aussitôt l'expression grave, presque triste, du regard. Madame Langlois entra sur ces mots, et avec sa grâce enjouée, elle fit reproche à André de n'être pas venu les voir depuis leur installation à Paris. Marguerite avait disparu discrètement et n'entendit pas la réponse du jeune homme. « Je préparais mon installation définitive, qui est résolue maintenant et qui n'est plus que l'affaire de quelques jours. Est-il possible ?» s'écria la jeune femme en frappant joyeusement ses petites mains l'une contre l'autre. « Pour tout à fait. Oh, que Charles va être content !» Marguerite rentrait à ce moment, tenant par la main bébé qui s'avançait d'un air fort sérieux. « Entends-tu, Marguerite ?» continua Claire. « Monsieur André qui vient définitivement vivre à Paris. » La jeune fille jeta un regard rapide sur André. Une rougeur fugitive anima son visage, puis elle pâlit et s'assit sur un siège qui se trouvait là. Bébé la regarda avec inquiétude et lui tira la main en disant « Viens donc !» Elle se releva machinalement et conduisit l'enfant à sa maman, qui le présenta à André avec toutes les câlineries des jeunes mères. Claire se souvint tout à coup qu'elle venait peut-être de commettre une imprudence et regarda sa sœur avec sollicitude, mais Marguerite, fort calme, se tenait debout derrière sa chaise et ne paraissait pas avoir éprouvé la moindre émotion. Au bout de 10 minutes d'entretien, André se retira. « Quand venez-vous définitivement ?» demanda Madame Langlois en le reconduisant sur l'escalier. « Dans 15 jours, au plus tard, probablement avant. » Elle approuva d'un signe de tête, et André, qui se retourna plus d'une fois, remplit ses yeux et son cœur de ce groupe charmant, appuyé sur la rampe de fer forgé, où les 2 sœurs tenaient dans leurs bras réunis l'enfant qui envoyait des poignées de baisers à son ami. « La famille !» pensait-il en suivant les quais babillards et joyeux à cette heure de la journée. La famille est la véritable affirmation de l'homme. il n'est heureux et complet qu'au sein d'un groupe de ses semblables, qui lui tient par la chair et par l'esprit. Avec un soupir, il continua sa route, mais ce Paris si bruyant et si animé lui paraissait morne comme un cimetière.